t'éclater, tu veux te faire épater. T'es du métier, travaillant avec toi, t'es doigté. Laisse donc la place à ceux qui savent venir savater. T'éclater, tu veux te faire épater. T'es du métier, travaillant avec toi, t'es doigté. Laisse donc la place à ceux qui savent. Si la plupart des gens en ta faveur sont plus sensibles, rien de terrible, c'est ta valeur au mat qui décide. Un flow flexible, malgré un air inaccessible. Fat quand tu rappes façon Joanne et Jimmy sous le clap. Tu rap contact, fredonné par un beau black. Chassant le wack par un don du ciel, un mic, une grille jack. Pour te montrer que même en solo, à l'aise en raflo, possède le funk flow. Une vraie tempête, un vrai fléau. Pour éduquer ton cerveau sans cesse de renouveau, c'est le niveau sans tout traumatiser le tempo. Doter le flou, tu fasses des sous, pas des clous. N'importe quoi, se mettre sous la dent à tous les jaloux, diffusant l'info. Comme la cause par baisse, diffuse des faux. La politique des rues, là-dessus, ma tête est taxée. Vicar déplacé, si t'es mou, t'auras un peu plus fâché. Pas seulement frime, gratuitement obscène. Mes rimes se succèdent dans l'internet, ça jette des promesses. Tu veux t'éclater, tu veux te faire épater. T'as du métier, travaillant avec toi, t'es. Tu veux tes points compliqués, voilà, voilà. Tu laisses dans la place, ceux qui savent venir s'abattre. Tu veux t'éclater, tu veux te faire épater. T'as du métier, travaillant avec toi, t'es. Tu veux tes points compliqués, voilà, voilà. Laisse dans la place, ceux qui savent. On a que la costa qui n'y file là, ça va m'en vêtu. Mais plus têtu que McEnroe sur cours de terre battue. Très jeune, j'ai combattu, rendu, me suis défendu. Pour un statut que je réclame, considérant qu'il m'est dû. Qu'on me respecte, qu'on me dise plus souvent que tu. Ne porte pas un nom connu plaqué sur une avenue. Jamais soutenu, puisque ma gauche jugée d'avance perdue. Un tu en erreur par mon allure à la bonne heure. Pour mon malheur, plutôt le tien corrige ses erreurs. Sans faire de faveur, dans ton esprit sème, cause la terreur. Des amis en possédé, t'inquiète, j'y parviens. Donner les moyens. Y arriver sans doute dans son vin. Ça t'étonnerait le monde entier si je tombe au fond d'un ravin. Sans vouloir sous mon son, tu fais jump hop. Normal tu bloques sur ce qui voit authentique hip hop de mon époque. On préfère la soul copain. Les yeux qu'importe sont sur boycott pépin. Écoute bien le bruit que ça fait quand je crache mon vénin. Après dis-moi gamin si ton cerveau s'en sort bénin. Tu veux t'éclater, tu veux te faire épater. T'as du métier, travaillant avec toi, t'es.